Chicha. Magnolo. Une fois de plus. Chicha. Et si belle. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Arrête-moi ce numéro. Une fois de plus. Une fois de plus. Tu sais, c'est mon ami. Tu crois que je l'ai pas compris. T'as autant d'ennemis. Tu crèves la poche aussi. Fréquenté par intérêt, il faut cesser cette mentalité pour réussir et tu.